الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بحول الله جل وعلا on va continuer avec le tafsir de sourate Al-Mulk. Et la semaine dernière, on avait fait une muqaddima concernant Al-Fadail, les mérites, les bienfaits que renferme cette sourate. Donc sourate Al-Mulk, et parmi les bienfaits, on avait rapporté le athar de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ici où le prophète alayhi salatu wa salam, donc ici on en déduit, d'accord, leur aurait rapporté que celui qui récite sourate Al-Mulk tous les soirs, d'accord, c'est une des causes par laquelle Allah jalla wa ala va le préserver du châtiment de la tombe, min adhabil qabr. Donc Allah jalla wa ala te préservera bi'idnillah azza wa jal du châtiment de la tombe d'après ce athar de Abdullah ibn Mas'ud authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, si tu récites tous les soirs sourate Al-Mulk. Qala al-ulama, les gens de science ont dit, c'est celui qui la récite en la comprenant bien sûr et en essayant de mettre en application au mieux, d'accord, ce qu'elle renferme comme exhortation. Et ici sourate Al-Mulk elle a plusieurs noms, wa min asma'iha sourate Al-Mulk. Parmi les noms qu'elle a, c'est sourate, suratul mulk, donc qui est connue, sourate la royauté. Ici, elle s'appelle aussi al-mani'a, comme on avait ici déjà cité al-mani'a, li'annaha tamna'u min adhabil qabr. Donc, elle préserve ici, d'accord, elle empêche quelque part, ici, le châtiment de la tombe. Et ici, tusamma aydan, sourate tabarak. Donc, on l'appelle aussi sourate tabarak alladhi biyadihi al-mulk, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé en référence au début ici du premier verset coranique où Allah jalla wa ala dit tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on avait cité tous les bienfaits, on avait cité aussi ses noms. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam dans les bienfaits ici concernant cette sourate, il avait rappelé plusieurs hadiths où il était question de 30 versets. Et al-ulama ici à titre indicatif, ils ont rappelé que il y a 3 sourate ici dans le Coran al-Karim qui comporte 30 versets. Il y a ici sourate Sajda, il y a sourate Al-Mulk et sourate Al-Fajr. Sourate Sajda, sourate Al-Mulk et sourate Al-Fajr. Ici, ils ont 30 versets et ici, c'est la parole de Al-Jumhur, la majeure partie des gens de science, car il y a une divergence concernant 30 ou 31 versets ici concernant certaines sourates. Donc ici, c'est ce qu'on avait rappelé précédemment. Et ici j'ai fait ce rajout-là concernant les 3 sourates qui comportent 30 versets. هذه السورة, ici cette sourate, c'est une sourate qui est, on dit, makkiya. D'accord, il y a les sourates, ici les sourates makkiya et madaniya. C'est-à-dire, ici on va expliquer, bi'idnillah azza wa jal, qu'est-ce que ça veut dire les sourates makkiya, d'accord, mekkoises, et les sourates madaniya, médinoises. Ici, bi'ijma' bi'ittifaq al-ulama, هذه السورة suratun makkiyatun, c'est une sourate ici qui est mekkoise. Qala Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala concernant la définition. Al-Makki yaqul ma nazzala 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qabla hijratihi alayhi salatu wa salam ila al-Madina. Donc les sourates mekkoises, il y a une divergence au sein des gens de science. Si on prend la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ici, et c'est qawl ar-rajih wallahu ta'ala a'lamu ahkam, c'est ce qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wa salam, d'accord, avant son émigration vers Médine. Avant son émigration vers Médine. D'accord? Et ici, les sourates médinoises, c'est ce qui a été descendu. On dit, wal madani, ma nazzal ala ali, ala nabi alayhi salatu wassalam, ba'da hijratihi. D'accord? Ici, après son émigration, ici, il al-Madina, vers al-Madina, on parle de al-Madina al-Munawwara. Donc la ville illuminée Médine, d'accord. Donc les sourates médinoises, c'est ce qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam après son émigration à Médine. Donc ce qui a été révélé ici avant son émigration à Médine, d'accord, c'est, on les appelle les sourates mekkoises. Ce qui a été révélé après son émigration à Médine, on les appelle les sourates ici médinoises, d'accord. Et les sourates mekkoises et médinoises, d'accord, se différencient selon le style, d'accord, ce qu'on appelle al-usloub ou al-mawdou', et ici le sujet évoqué. Donc ils se différencient, d'accord, du point de vue de al-usloub, le style, et ici al-mawdou', le sujet. C'est-à-dire, Au niveau du style, min haythul usloub, au point de vue du style, d'accord, on va voir la différence. En général, ici, al-Makki, on dit, ou bien, al-Sura al-Makkiya, al-Sura al-Makkiya, ici, la Sourate Mekkoise. Donc, on a dit la Sourate Mekkoise, c'est ce qui a été révélé sur le prophète, alayhi salatu wa salam, à quel moment? Avant, ici, son émigration vers Médine. En général, ça c'est en général, al-Ghalib, ici, on dit que les Sourates Mekkoises ont un style plus fort, d'accord, et un discours plus percutant. Ça, on parle des sourates mekkoises. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, ici, on parle des sourates qui a été révélées au prophète alors qu'il n'a pas encore fait al-hijra et al-madina. Donc c'est un style plus fort, un discours plus percutant. Pourquoi? Car Allah jalla wa ala s'adapte ici et adapte son message par rapport aux gens, d'accord, qui vont réceptionner ce message. Et là, on a affaire aux mekkois. Ici, c'est pour ça qu'ils disent les gens de science, parce que l'interlocuteur, d'accord, ici, étaient des gens qui se détournaient, qui étaient très orgueilleux devant la vérité, d'accord. Et ici, c'est pour ça que les versets étaient assez forts, assez percutants, parce qu'ils s'adressaient ici à des gens qui étaient orgueilleux. Il y avait les associateurs, il y avait les hypocrites, il y avait les orgueilleux. Donc la parole était plus percutante, clair. Et en général, le style de sourate médinoise vient éclaircir le discours. Il est plus facile, moins percutant, du fait que les interlocuteurs avaient généralement accepté déjà la vérité et c'était déjà soumis. Al-Ulama, il donne des exemples, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit l'exemple pour les premières sourates plus percutantes. Il dit de regarder sourate Al-Muddathir et Al-Qamar. D'accord? Pour voir un peu ici l'usloub qui est utilisé ici par Allah Jalla wa Ala. Et dans les autres versets coraniques, ici, qui ont été révélés sur le prophète alayhi salatu wa salam après son émigration, donc ici, il donne référence à suratul Ma'ida. D'accord? Suratul Ma'ida. Les versets mekkois aussi sont généralement courts, avec une argumentation forte, du fait que les interlocuteurs s'obstinaient et se dresser contre la vérité, donc on leur adressait un discours qui leur était, ou que leur état nécessitait. D'accord? C'était court et percutant, clair. Khalas, c'est ce qu'il leur fallait. Et ici, les versets médinois sont généralement plus longs. Et ils contiennent plus de détails, de règles, de ahkam. D'accord? On rentre plus dans les détails ici. Et ont été envoyés sans argumentation du fait que l'état des interlocuteurs nécessite cela. Voir les versets, par exemple, sur la dette dans Sourate Al-Baqara. Claire. Là, le but, ce n'est plus de les convaincre. Ils sont convaincus. Donc là, on rentre plus dans les détails. D'accord? Comme ici, une personne qui va commencer, d'accord, sa recherche dans la religion ou dans les religions, on va pas commencer à lui détailler les règles de l'héritage. Déjà, il croit même pas en ta religion. Donc ici, on va s'adapter, d'accord, à son niveau, à son investissement, à son avancée. Jalla wa ala nous l'a enseigné ici. Il adaptait son message plutôt ici aux interlocuteurs. Donc là, le prophète, il avait fait l'hijra, l'émigration à Médine. Donc les gens étaient déjà musulmans en général, umuman al-ghalib, on dit. Et ici, donc, il rentrait plus dans les détails. Khalas, là, il donne l'exemple de quoi? Dans sourate al-Baqara, les versets sur les dettes. Donc ça, khalas, ils ont accepté, on peut rentrer et parler d'autre chose. Khalas, les dettes, comment tu contractes une dette, les témoins, comment ils doivent consigner cette dette, etc., etc. Min haythul mawdou', du point de vue du sujet. Donc on a vu les différences entre les sourates mekkoises et les sourates médinoises. D'accord? Donc mekkoises, on a affaire à des gens plus orgueilleux, hypocrites, qui n'ont pas accepté l'islam. Et de l'autre côté, khalas, les interlocuteurs ne sont plus les mêmes. Donc ici, on voit la différence, donc, de al-usloub al-Qur'an, le style du Coran. Et ici, concernant la différence sur les sujets. D'accord? Quand on parle de al-mawdou'. Ici, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ici, al-makki, al-ghalib, ici, ce qui est général, ou en général, il est question de l'affirmation du tawhid. On parle plus de quoi? Al-tawhid, et de al-aqidatu, al-sahiha, donc, la croyance, la foi, d'accord, authentique, pure, saine. Ça, c'est concernant, ici, les sourates mekkoises. Surtout ce qui concerne le tawhid, de l'adoration, et de l'iman, la foi, en la résurrection. Donc, on parle beaucoup de la foi, d'accord, on avait expliqué c'était quoi, al-aqida, العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية d'accord c'est la croyance ferme loin des doutes d'accord en Allah Jalla wa Ala tant au niveau de ses attributs de sa divinité de sa seigneurie d'accord en les anges en la résurrection au jour dernier au destin on a parlé de ça déjà d'accord donc l'aqida donc ici particulièrement sur la résurrection car la majorité des interlocuteurs reniaient cela d'accord donc Allah Azza wa Jalla ici il adapte son message d'accord il adapte son message par rapport aux gens qui sont en face et ça c'est extrêmement important dans fiqh ad-da'wa d'accord et c'est pour ça qu'il y a des règles et la règle qu'on répète souvent on se met au niveau des gens d'accord donc ici Allah Jalla wa Ala sait que c'est des personnes qui refusent la vérité qui refusent ici l'islam ici qui refusent le fait d'adorer Allah sans rien lui associer d'accord et c'est des gens têtus orgueilleux donc à ce moment là Allah Azza wa Jal il envoie un message plus percutant avec des versets plus concis plus courts et il parle surtout de tawhid et de l'aqidatu sahiha et particulièrement la foi en la résurrection car il reniait cela même ceux qui croyaient en Allah et ils donnaient des associés à Allah mais ils ne croyaient pas en la résurrection et ils riaient même de cette croyance quand le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam disait que vous allez être ressuscités ils riaient, ils disaient comment ça nous les gens qui vont être ressuscités et Allah Jalla wa Ala fait leur blâme dans le Coran al-Karim donc on voit que ici c'était une réponse à cela et c'est pour ça on voit que ça parle beaucoup de la résurrection d'accord la résurrection les sourates mécoises contrairement aux sourates médinoises il détaille les adorations et les relations avec autrui car les interlocuteurs avaient déjà affirmé le tawhid et la croyance saine d'accord donc là c'est plus concentré dans les adorations comment mettre en application les actes d'adoration ici et les relations entre eux avec autrui surtout entre musulmans pour former une société solide خلاص d'accord d'abord on commence par at-tawhid wal aqidah as-sahiha mais خلاص c'est des croyants il y a des croyants que tu as en face de toi donc ça nous montre que c'est un excès le fait de parler de jour comme de nuit 7 jours sur 7 24 heures sur 24 que de tawhid n'am c'est un excès c'est un égarement parce que si tu parles que de ça ça est خلاص tu vas avoir en face de toi des gens qui ont compris le tawhid qui croient en Allah qui croient en ses anges fermement loin des doutes ils ne donnent aucun associé ils ont compris le sujet mais ils ne savent toujours pas faire la prière musiba d'accord donc là Allah Jalla wa Ala nous rappelle que خلاص il y a un moment pour le tawhid un moment pour la aqida un moment pour les actes d'adoration c'est un tout c'est pour ça que les prédicateurs doivent toujours commencer c'est la règle par le tawhid wal aqida parce que Allah Jalla wa Ala nous rappelle que le plus grand des péchés, ce qui te fait sortir de l'islam, c'est le fait de te donner des associés à Allah Jalla wa Ala, d'avoir une aqida fasida ici, qui est corrompue, qui est mauvaise. Donc ici, on commence par cela. Mais quand tu as en face de toi des gens qui ikhlas, ici, de façon générale, ont une bonne aqida, d'accord, reconnaissent qu'Allah est unique, même s'il y a des déficiences dans les gens qui t'écoutent, tu parles de tawhid, mais en parallèle, c'est ikhlas, tu dois leur apprendre aussi à faire la prière, les ablutions, le jeûne, le hadj, etc. Donc ici, ça a été plus concentré dans quoi? Ici, al-ibadat wal-mu'amalat. Donc ici, tout ce qui concerne les actes d'adoration et ici, les relations ici avec autrui. Concernant ici, les versets ou les sourates médinoises. Et aussi, il y avait aussi le djihad, ses règles, d'accord? Ici, car les hypocrites Allah Jalla wa Ala avait mentionné ici leur état. Allah Jalla wa Ala avait mentionné leur état, il avait rappelé comment ils étaient, comment ils se comportaient. Et ici, il y a les règles même du djihad qui ont été expliquées lors ici des versets médinoises. Clair? Donc ici, parce que aussi les savants ont dit que le djihad, à ce moment-là, il avait été légiféré contre eux. Donc ici, à ce moment-là, il fallait leur expliquer comment combattre les règles, les prisonniers, etc. Donc les versets qui parlaient du combat, du djihad, ils ont été révélés, ou en général, ce sont les sourates médinoises. Clair? Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim. Donc là, on est avec une sourate mécoise. Clair? On a dit une sourate mécoise. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver normalement dans la sourate mécoise? Ça parle plus de quoi? Plus percutant, ça parle de al-tawhid, de al-aqida, de la résurrection, de c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce qu'on va retrouver ici dans ici sourate al-mulk. Clair? Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي أي الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله جل وعلا دي ici avec une traduction du sens. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بني تبارك. On parle ici et ça nous fait penser aussi quelque part à quoi? البركة, la bénédiction. تبارك الذي بني soit celui. Donc on parle de qui? Allah. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. وهو على كل شيء قدير. Donc il est capable de tout. Il est omnipotent. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Ça, ici, on va faire un petit arrêt et on va ici apporter ici bi'idnillah azza wa jal une chose qui va nous permettre de méditer d'une meilleure façon comme il se doit bi'idnillah azza wa jal concernant les versets coraniques et particulièrement le début de la plupart des sourates du Coran. Allah jalla wa ala, il commence par la glorification. D'accord? Donc ici walillahi al-mathalu al-a'la, Allah jalla wa ala, ici lui appartient ou à Allah appartient la transcendance absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par glorifier, se glorifier, glorifier sa propre personne. En général, quand une personne ici veut faire passer un message, veut donner un conseil, ici veut que la personne en face de lui se réforme, il a un interlocuteur en face de lui. Donc ici, il veut s'adresser à lui. Il veut le conseiller, il veut lui l'avertir de certaines choses, lui recommander certaines choses. Comment il va se comporter? Il va souvent se comporter d'une manière telle que il va, yani, quelque part, le glorifier. D'accord? Quelquefois, on dit, il va lui mettre de la pommade. Clair? D'accord? Je dis souvent ça pour montrer une petite introduction. D'accord? Donc, il va le glorifier, cette personne. D'accord? Tu sais que t'as un conseil à lui donner, tu es bien, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Khlas, après t'envoies ici le conseil. Clair? C'est vrai ou pas? C'est une réalité. En général, ça passe mieux. Quand tu glorifies la personne, quand tu lui montres ses qualités, et ensuite tu fais passer le conseil. Et ça, c'est un moyen par lequel la personne va accepter mieux, et va mettre mieux en application les avertissements et les recommandations que tu vas lui donner. Ça va être une cause qui va faire que la personne va t'apprécier mieux, va t'aimer mieux. Donc le contact va passer mieux. Il va vouloir t'accepter ou accepter tes paroles de façon plus aisée, plus facile. Il va vouloir t'écouter plus. Il va te prêter attention comme il se doit. Clair? Contrairement à la personne qui ne va pas commencer par les glorifications et directement, khlas, il va envoyer les recommandations ou les conseils, même si ceux-là sont vrais. On est d'accord. Regardez Allah Azza wa Jal, walillahi al-mathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala, en général, dans tous ces versets coraniques, ou dans tous les sourates, en général, il commence par quoi? Il commence par la louange, il commence par l'éloge, il commence... Mais pourtant, c'est qui les interlocuteurs? C'est qui? C'est nous. Donc ici, on peut pas ici adopter la même chose en disant bah donc la logique veut que si on reste dans cette théorie là, wal'iyadhu billah, je dis pas qu'il faut qu'on se fonde sur cette théorie là. Donc normalement Allah pour que nous on entende mieux et ici on se prête plus attention, on se concentre mieux, il nous glorifie d'abord pour que ensuite on écoute. Allah jalla wa ala rappelle à l'ensemble de l'humanité que c'est lui al-Malik et qu'Allah jalla wa ala c'est lui al-Mutakabbir. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le djinn d'être loué. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique sans rien associer. Et man ala fallahu a'la. Et qu'Allah azza wa jalla a besoin de personne, mais nous on a besoin d'Allah azza wa jalla. Et que c'est Allah qui met les faits dans les causes. Et Allah jalla wa ala nous rappelle ici que plus tu vas apprendre à connaître Allah jalla wa ala, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas l'aimer, et plus tu vas te conformer à ses commandements et délaisser ici, c'est interdit, et ceci est propre à Allah, Azza wa Jal. Ceci est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah, Jalla wa Ala, nous rappelle, il n'a pas besoin de nous glorifier. Et ici, c'est lui qui mérite le plus d'être glorifié. Et que l'être humain l'accepte. Et au contraire, plus Allah se glorifie, et plus on apprend à prendre, on apprend à connaître la grandeur d'Allah, et plus on l'aime, et plus ça nous pousse à se soumettre à ses commandements. Et ça, c'est propre à Allah. Tandis qu'à l'insan, il est obligé de glorifier la personne. Zid ala dhalik, toi tu veux conseiller un frère et tu dis écoute, je vais te conseiller parce que moi je suis le maître, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus intelligent et moi je suis. Par contre toi t'as un gros défaut, il va accepter ou pas? Mais Allah jalla wa ala, il se glorifie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie sa propre personne et il fait la louange de sa propre personne dans la plupart des sourates et il commence par cela. Et ensuite, ici, il parle du jour de la résurrection, de l'au-delà, de la mort, de ce qu'on doit faire, de... Et avec cela, c'est ce que l'être humain a besoin, et c'est ce que l'être humain aime, et c'est ce qui fait montrer notre foi. Et ça nous rappelle encore une fois la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah, il nous glorifie pas, mais lui, il se glorifie lui-même. Et il commence et il dit, Tabarakalladhi. Qui va lui dire? Pourquoi il se glorifie? Hasha lillah. Au contraire, plus Allah se glorifie, et plus on aime. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Plus tu apprends à connaître la puissance, l'omnipotence d'Allah, et plus tu te sens rassuré, et plus tu es content, et plus tu es fier d'adorer le digne de louange, Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala, comme ils disent les ulama, comme il dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, yabda fi hadhihi surah, wa yaqul, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, ay, yumajjidu Allah tabaraka wa ta'ala nafsahu al-karima. Allah Jalla wa Ala, ici, il glorifie sa propre personne, subhanahu wa ta'ala. Tabaraka alladhi, béni. Et ici, quand on parle de bénédiction, ça nous rappelle que al-baraka, la bénédiction, c'est Allah Azza wa Jal qui la donne. À qui il veut, quand il veut, et si il veut, car Allah a fait sa propre éloge, et il dit, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni, celui dans la main, ou celui dans la main, de qui est la royauté. Allah Azza wa Jal, il mérite ici cette glorification, car c'est lui qui donne la bénédiction, al-baraka. Et ici, sans cette bénédiction, venant de qui? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, celui qui mérite cette glorification. Ici, elle vient de lui, al-baraka. Et on parle de baraka ici, tabaraka. Ici, c'est celui qui donne les bénédictions, à qui il veut, comme il veut, et sans compter. Allah Jalla wa Ala yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Allah, il donne sa subsistance. Il donne les biens à qui il veut sans compter. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et sans baraka, on ne pourra pas ressentir, ou plutôt profiter comme il se doit d'une bonne façon. Écoute bien, de façon constante et abondante. Ah, constante et abondante. Pourquoi? On va voir la définition de le baraka. Constante et abondante de tous ses bienfaits qui nous sont donnés, qui à la base sont licites. La femme, l'épouse, l'argent, les biens, la demeure, les habits, les vêtements, etc. Clair? Al-mahabba, l'amour en Allah, etc. On a besoin de baraka. C'est-à-dire on a besoin de baraka. On a besoin de bénédiction. C'est-à-dire on a besoin de bénédiction. On a besoin que ce bienfait, ici, reste établi. D'accord? On parle de at-tathbit, reste établi. Et ici, reste abondant, reste constant, régulier. C'est ça le baraka. Quand tu as un bien, il reste ce bien-là. C'est-à-dire que tu le sens. Il disparaît pas rapidement. Comme quelqu'un qui, je donne souvent cet exemple-là, il va avoir de l'argent illicite. Est-ce qu'il y aura el baraka dedans? Non. C'est pour ça que ce bien disparaît facilement, rapidement, et il ne reste pas constant. Il le garde pas tout le temps. D'accord? Il part. Il a beau avoir de l'argent et de l'argent. Voilà qu'une, quand il regarde au bout de 6 mois, qu'est-ce qui lui est resté? Rien. Et ici, cet argent-là, il ne le sent pas. C'est-à-dire, il n'est pas abondant. 100 euros, et ici ça va être comparable peut-être à 10 euros halal, et encore. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, wallahi, quand t'as 1000 euros halal, de façon licite, ça n'a rien à voir, tu les sens plus que si t'avais 10 000 euros de façon illicite. Vous comprenez? C'est le baraka. Car ici, le baraka, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est l'abondance du bien et sa permanence. Kathratul khayr wa dawamuhu. Kathratul khayr, l'abondance du bien et sa permanence. Ça, c'est ta'riful baraka. C'est la définition de l'baraka, la bénédiction. Quand quelqu'un te dit, c'est quoi l'baraka? C'est la bénédiction. Mais c'est quoi? Tu lui dis, kathratul khayr wa dawamuhu. C'est ici, l'abondance de bien, et ici, sa permanence. Et ici, sa permanence. C'est pour ça que nous disons, ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, que le fait qu'une chose soit bénie signifie. Le fait qu'une chose soit bénie signifie que dans cette chose, il y a du bien en quantité abondante. Et deux, que dans cette chose, ce bien est permanent. Là, tu sens et tu peux dire que cette chose-là est bénie. D'accord? Il y a des gens, ils vont dire, j'ai une voiture, une petite voiture modeste, masha'Allah. Walakin, masha'Allah, al-baraka, tabarakallah. D'accord? Il va dire, masha'Allah, il y a là, je fais une petite nukta ici, un petit point. D'accord? Concernant le terme, masha'Allah. Masha'Allah, tu peux le dire, il n'y a aucun mal, ce n'est pas une bid'a. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils lisent un avis juridique, là, c'est bid'a de dire masha'Allah, parce que ici, le prophète l'a pas dit, et nous disons, masha'Allah. D'accord? Donc, ce que Allah, Jalla wa Ala, a voulu. Ça, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, masha'Allah. C'est une vérité ou c'est un mensonge? C'est une vérité, masha'Allah, ce qu'Allah a voulu. Donc ici, nous disons, tu as le droit de dire masha'Allah. Mais, ici, quand tu veux utiliser un terme pour repousser al-ayn, comme a dit al-ayn ou haq, le mieux, ce que relève de la sunnah, et il n'y a pas de divergence sur cela, c'est de demander, d'accord, Allahumma barik. Ah, on parle de quoi ici? De bénédiction encore. Allahumma barik alayhi. Ou Allahumma barik alayha. Allahumma barik fih. Allahumma barik fiha. D'accord? Celui qui a peur al-a'in. On dit al-a'in, celui qui jette l'œil, le mauvais œil, ou il a peur de jeter le mauvais œil, nous disons le mieux, d'accord? C'est comme le prophète alayhi salatu wassalam avait dit de, ici, l'un d'entre vous veut tuer son frère, quand il a vu le conflit avec, ou il a vu l'histoire avec As-Sahl et Amir, ici quand un avait jeté l'œil à l'autre, et l'autre était tombé, et ici, sur place, le prophète a dit, vous voulez tuer votre frère? Et ici, le prophète Hassan, il a dit, quand quelqu'un voit chez son frère ce qui lui plaît, qu'il demande pour lui la baraka, qu'il invoque pour lui le baraka. D'accord? C'est ce qui est authentique. Donc, quand tu veux repousser le mauvais œil, tu as peur du mauvais œil, le mieux, tu dis quoi? Allahumma barik alayhi. Allahumma barik alayk. Allahumma barik fika. Allahumma barik fiha. Allahumma barik fiha. Ça, c'est le mieux. Certains gens de science ont dit, tu peux dire, ma sha Allah tabarak Allah. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, aussi, je prends la parole de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, aussi, certes, ils ont dit que celui qui voit quelque chose qui le plaît dans ses biens, lui, son argent, sa famille, Cheikh Sa'di rajoute dans sa progéniture, etc., qu'il peut dire, masha'Allah tabarakallah. D'accord? Masha'Allah tabarakallah, d'après le verset coranique, ou dans Surat Al-Kahf, qui parle de la personne qui rentre dans le jardin et qui dit, masha'Allah. D'accord? Donc ici, la quwata illa billah. Masha'Allah, la quwata illa billah. Donc il dit, ça, c'est quelqu'un qui voit un bien, chez lui. Walakin, quand il voit chez autrui, sur autrui, il dit pas, masha'Allah, pour repousser l'ayn. Ça, c'est pour repousser. Donc, le mieux qu'ils disent, Allahumma barik. D'accord? Allahumma barik alayhi. Tu demandes al-baraka, la bénédiction, pour cette personne-là. Et tu dis pas, masha'Allah, pour repousser l'œil. Mais le dire, masha'Allah, comme ça, tu parles avec une personne, tu dis, masha'Allah. C'est pas une bid'a. Là, t'es pas dans l'intention de repousser l'œil. Là, tu peux dire, masha'Allah, ce qui a voulu. Ce que Allah, Jalla wa Ala, a voulu. Tant que tu ne mets pas cette appellation, cette parole, d'accord, dans un endroit, d'accord, qui se répète, ou un moment qui se répète plutôt, et ici en pensant que c'est une sunna, d'accord. Donc ici, à ce moment-là, si quelqu'un, par exemple, je vous donne l'exemple de Sadaqallahu al-Azim, d'accord, Allah Jalla wa Ala, sa parole est vérité, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit que la vérité émane de qui? De ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Mais le fait de dire, tu récites un verset coranique et tu dis Sadaqallahu al-Azim, c'est une bid'a ou pas? C'est pas une bid'a, c'est une réalité. Mais si quelqu'un va dire, à chaque fois que je termine le Coran al-Karim, d'accord, fi nihayat al-qira'a aqulu da'iman sadaqallahu al-'azim wa yaz'um aw ya'taqid hadha al-miskin anna hadha al-kalam min as-sunnah, il va croire celui-là que cette parole ça fait partie de la sunna, d'accord, fi hadha al-mawdu' aw fi hadha al-waqt al-munasib, dans ce moment-là, d'accord, adéquat pour lui, il va dire khalas, c'est le moment où dire Sadaqallahu al-Adam, c'est une sunna. Ça, c'est une bid'a. Mais s'il le dit de temps en temps, ou quand il veut affirmer que la parole d'Allah est vérité pour, ici, affirmer un verset coranique, ou alors donner de l'importance à un verset coranique plus, ou alors pour attirer plutôt l'attention des gens, il n'y a pas de mal. C'est une réalité. Mais il dira à chaque fois, à un moment précis, il faut une preuve. C'est ça qui rend la chose bid'a. D'accord? Même si en elle-même, elle n'est pas une bid'a. Clair? Donc, nous disons pareil, de dire masha'Allah de temps en temps et n'importe quel moment, pas à un moment bien précis, mais il n'y a pas de mal. Mais le dire pour repousser l'œil, certains gens de science disent que c'est une innovation. Il faut utiliser ce qui est authentique et ce qui relève de la sunna, c'est-à-dire de demander à al-baraka d'invoquer en faveur de la personne en disant Allahumma barik alayhi, mathalan. D'accord? Allahumma barik alayhi, Allahumma barik alayha. Wadih? Aina kunt? Où j'étais? Clair. Donc ici nous disons, ici il y a deux choses qui nous montrent que la chose, il y a al-baraka. Par exemple, une personne qui a une petite voiture modeste, par exemple, hein, et il va dire, et c'est arrivé je pense à certains d'entre vous, que ce soit une voiture ou alors un bien ou autre, il va dire masha'Allah tabarakallah, ou on va dire plus Allahumma barik alayh, s'il a peur de jeter l'œil et il le dit dans l'intention de repousser le mauvais œil, là c'est une chose, dit Allahumma barik alayh. Ici, Allahumma barik ala hadhihi siyara. Subhanallah, je l'ai depuis des années. Elle est pas du tout chère, je l'ai payé quoi, peut-être 500 euros. Et subhanallah, je l'ai toujours. Et vraiment, et ça, rien, on dit qu'il y a al-baraka. Et elle m'a servi énormément et j'ai pu faire tant de voyages avec et j'ai pu de, donc il se rend compte qu'il dit, il y a al-baraka. Il va dire, franchement, mashallah, il y a al-baraka dedans. D'accord? Il y a al-baraka dedans. C'est ça, ce qu'on a l'habitude de dire et c'est une réalité. Masha'Allah, c'est conforme au Coran et à la Sunna, bifa'mi salafil umma. Quand la chose, ici, elle est abondante, et quand elle est permanente, c'est une chose, insha'Allah, bénie. C'est une chose bénie. Comme la personne qui va voir une femme, d'accord, qui est pieuse, vertueuse, et qui va profiter de cette femme longtemps, cette femme pieuse et vertueuse, ou la femme qui va être mariée avec un homme pieux et vertueux, et qui va profiter longtemps de cet homme pieux et vertueux, et on ne parle pas que de temps, c'est-à-dire qu'il a eu le baraka dans le temps, avec le temps qu'elle a passé avec cet homme-là, ou le frère, le temps qu'il a passé avec cette femme-là, il a pu puiser beaucoup de bénéfices et de profits de cette personne-là, et en grande quantité, et pendant une période, d'accord, qui lui a suffi pour emmagasiner beaucoup de choses et profiter énormément, on dit que c'est une femme, ici Mubaraka, qui est bénie. Et l'homme, c'est un homme qui a le baraka. Et pareil dans toute chose, il y a des enfants, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un cheval, ça peut être... Il peut avoir al-baraka dans des choses qu'Allah Jalla wa'ala a décidé de mettre al-baraka. Et qu'Allah bénisse ici notre temps, notre argent, nos épouses, les époux des épouses, nos demeures, nos vêtements. Allahumma barik alayna. Ici qu'Allah Jalla wa'ala nous bénisse tous et toutes bi'idnillah azza wa jalla. Voilà qu'il pourra avoir cette bénédiction. Ici, il faut faire des causes. Et parmi ces causes-là, c'est craindre Allah Azza wa Jalla, comme on le dit souvent. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Ici, Allah Jalla wa Ala dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions, al-barakat, barakatim minas sama'i wal ard, du ciel et de la terre. Mais, voilà, kinkadzabu, ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc, Allah Jalla wa Ala, ici, nous rappelle que ces gens-là, s'ils avaient, walaw anna ahl al-qura amanu, wattaqaw, cru, donc ici, on parle encore de quoi? Al-aqida, une bonne croyance, une bonne foi. Ils avaient cru fermement. C'est quoi l'aqidah? C'est pas croire. Croire fermement, sans aucun doute. Ah, et quand tu vois qu'une personne a une bonne aqidah, c'est pas la personne qui vient crier sur les toits. Moi, je fais un cours de usul al-thalatha. Je fais un cours de tawhid. Et toi? Ah, toi, t'es un égaré, t'as pas fait de cours de tawhid. Non. C'est le comportement. C'est dans son comportement de la vie de tous les jours. Est-ce qu'il place sa confiance en Allah? Fermement, sans aucun doute. Est-ce qu'il a la certitude comme il se doit? Est-ce qu'il patiente comme il se doit? Est-ce qu'il craint qu'Allah Azza wa Jalla? Est-ce que, dans son comportement, tu vas voir, est-ce que sa aqida est bonne ou pas? Dans ses paroles aussi, mais beaucoup dans son comportement, dans sa réaction face aux épreuves, face à diverses situations. Ceux qui avaient cru, d'accord, s'ils avaient cru plutôt comme Allah dit, et craint pieusement Allah Jalla wa Ala. À ce moment-là, Allah Jalla wa Ala, il dit, la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Ici, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Par la cause de quoi? La bonne aqidah, la croyance ferme, et la crainte pieuse. Et taqwa Allah, c'est quoi? Tarkul ma'asi wa fi'lu ta'at. C'est délaisser les actes de désobéissance, et ici, d'obéir à Allah Jalla wa Ala du mieux que tu peux. Allah a dit, khlas, sami'na wa ata'na. Ça c'est haram, je délaisse. C'est un combat, c'est dur, mais les fruits sont délicieux. C'est quoi les fruits? C'est que ta foi va augmenter. لِأَنَّ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِ. Car la foi, elle monte par l'obéissance et elle diminue avec les actes de désobéissance. Déjà, tu vas sentir ta foi. Tu vas goûter حَلَوَاتَ الْإِيمَانِ. Cette douceur de la foi qui, quelquefois, on l'a deux secondes, on pourrait déplacer des montagnes. Après, khlas. Ça repart à zéro. Donc ici, tu vas goûter une certaine douceur de la foi, une stabilité dans ta foi, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. En plus de cela, ici, le fait de t'être écarté des actes de désobéissance et avoir obéi à Allah, c'est une preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal. Ta foi va augmenter et il y aura al-baraka. Tu auras les bénédictions d'Allah Jalla wa Ala. Ici, dans ton épouse, tu vas sentir les bénédictions dans ton argent, dans tes biens, dans ta science, dans ta da'wah, dans C'est par cette cause-là qu'Allah va mettre le baraka dans ta vie. Fi hayatika. Ici, Allah va mettre le baraka dans ta vie. Et ici, c'est-à-dire qu'il y aura l'abondance, kathratul khayr, ici, et la permanence. Beaucoup, et ça dure. C'est ce que toute personne souhaite. Quand quelqu'un parle de l'argent, il dit, j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent, et que ça dure. Quelqu'un qui va parler ici de la science, j'aimerais bien avoir beaucoup de science, que cette science, elle parte pas. Quelqu'un qui va parler de toute chose, tout être humain sur la surface de la terre, rêverait avoir al-baraka. Kathratul khayr, ici, l'abondance de biens et la permanence. Walakin, ici, ces deux choses-là, tu ne peux les avoir que si tu es dans l'islam, bi-idnillah azza wa jal. Pour avoir la bénédiction, il faut demander à celui qui est béni. D'accord? Béni soit celui. D'accord? Celui qui a dit, béni soit celui. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أي الله جل وعلا. Et c'est Allah عز وجل qui donne les bénédictions. La فتحنا. C'est-à-dire Allah. La فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا الآية. Donc on demande à Allah جل وعلا. On craint Allah عز وجل. On obéit à Allah. On s'écarte des actes de désobéissance. On invoque Allah. On aura cette foi بإذن الله عز وجل. Qui va nous permettre d'avancer dans la religion, se sentir bien, apaisé, et on aura l'abondance et la permanence bi-idnillahi azza wa jal. وَيُخْبِرُوا أَنَّهُ بِيَدِهِ الْمُلْكِ. Et Allah Jalla wa Ala informe ici que la royauté, comme il dit subhanahu wa ta'ala, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. D'accord? Il a la royauté. يُخْبِرُوا أَنَّهُ بِيَدِهِ الْمُلْكِ. Il informe qu'il tient dans sa main al-mulk, la royauté. Al-mulk al-haqiqi, la réelle royauté. C'est-à-dire, comme il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qu'il dispose de toutes les créatures selon sa volonté, sans jamais être contrarié par quiconque. Et ça, c'est propre à Allah Azza wa Jal. Il dispose de toutes les créatures, et ça, c'est pour ça qu'on dit al-mulk al-haqiqi. Wa lidhalika qala subhanahu wa ta'ala, maliki yawmi ad-din, maliki yawmi ad-din. Le maître du jour de la rétribution. Et c'est pour ça qu'Allah il nous rappelle qu'il dira Aïna al-muluk, aïna mulukul ard, aïna al-malik, aïna al-jabbaroun, aïna al-mutakabbiroun. Allah Jalla wa Ala dira où sont les rois, où sont les tyrans, c'est moi le roi. D'accord? Il affirmera la royauté qui lui appartient exclusivement. Amma les royautés qu'on entend au jour d'aujourd'hui, c'est des royautés ici qui sont quoi? Qui sont délimitées. C'est pour ça que Ibn Kathir il dit ici. C'est-à-dire, il dispose de toutes les créatures. Tandis que le roi, il a une royauté limitée. D'accord? Comme toi, tu peux posséder une chose, on donne souvent cet exemple, tu peux dire, je possède cette chose-là. Mais tu possèdes cette maison, Mohammed possède une maison, mais toi, tu ne possèdes pas la maison de Mohammed. Tandis qu'Allah, il possède ta maison et la maison de Mohammed. Ici, Allah, Jalla wa Ala, il a une royauté, d'accord? Et ici, une omnipotence excellente, parfaite. Nul ne lui est égal, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas délimité, c'est ce qu'on appelle al-mulkul haqiqi, la réelle royauté, la royauté parfaite. Et la preuve, Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle que même ceux qui ont ces royautés délimitées, ces pouvoirs, ces autorités délimitées, ici, ces autorités sont délimitées car ils viennent de celui qui détient la royauté absolue, parfaite, complète, Allah. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Il dit, ô Allah, maître de l'autorité absolue. Ah, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. مَالِكَ الْمُلْكِ. Donc, ici, le roi des rois, celui qui est maître de l'autorité absolue. Ici, maître de l'autorité absolue, et il dit, subhanahu wa ta'ala, تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Ah, بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Et ici, Allah dit, إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dit, oh Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. C'est Allah qui donne. Il la donne à qui il veut. Et il arrache à qui il veut. Et tu donnes la puissance. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ à qui tu veux. Et tu humilies, wa tuzillu man tasha bi yadika al-khayr, le bien est en ta main, innaka ala kulli shay'in qadir. Ah, on répète encore, tu es omnipotent. D'accord? Et Allah Jalla wa Ala, il parle de la royauté ici dans ce verset coranique, al-mulk aussi de la royauté. Et il dit tabarak alladhi bi yadihi al-mulk. وهو il répète encore وهو على كل شيء قدير, pour nous rappeler sa grandeur. Et regardez, Allah se glorifie, glorifie sa propre personne, d'accord. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il donne à qui il veut, il retire à qui il veut. Il nous rappelle aussi, comme le rappelle le verset coranique, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah jalla wa ala nous rappelle dans plusieurs versets coraniques qu'un jour tu es comme ça et l'autre jour tu es comme cela. Une minute tu peux être dans un état, la minute d'après tu peux être dans un autre état. Une seconde tu peux être dans un état, une seconde après tu peux être dans un autre état. C'est très facile et ça va très rapide, très rapidement et très vite. Et ça, ça nous pousse à agir avec quoi ? Modestie et soumission envers celui qui détient l'autorité absolue. Ça, ça te pousse à te rappeler que c'est Allah Jalla wa Ala qui décide. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit soit et c'est. Tu n'es jamais trop sûr de toi. Aujourd'hui, tu peux être gouverneur, tu peux être roi, tu peux être en forme, tu peux être fort, tu peux être riche. Fawarabbil Ka'ba, je ne dis pas d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, tu peux tout perdre. Donc ici, ça nous pousse à être modeste. Aujourd'hui, tu es et demain, tu ne seras plus. Cette seconde, tu es, une seconde après, tu ne seras plus. Donc toujours, faut rester ici sur tes gardes. Jamais se prétendre être je ne sais qui. Toujours se rappeler que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Et toujours se rappeler que tu es un être faible et que tu dois toujours demander à Allah Jalla wa Ala al-baraka, la bénédiction dans ton temps, dans ton âge, dans ta santé, dans ta vie, dans ta science, dans ta da'wa, dans tes enfants, dans ta demeure, dans toutes choses. C'est-à-dire l'abondance de biens et la permanence. Car Allah Jalla wa Ala tire cette baraka quand il veut et comme il veut. Allah, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il nous rappelle. Et il rappelle quelque part peut-être à certaines personnes qui peut-être ont des doutes. Oui, mais oui. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout. D'accord? Cherche pas à comprendre. Il est capable de tout. Allah, il veut quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Il veut quoi que ce soit. Il dit kun fayakun. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça nous rappelle la puissance de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.